Psaume 88. Machil d'Aiman, Ezraïte, qui est un cantique de psaume, donné au maître chantre d'entre les enfants de Corée, pour le chanter sur ma latlanote. Éternel, Dieu de ma délivrance, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière vienne en ta présence, ouvre ton oreille à mon cri. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie est venue jusqu'au sépulcre. On m'a mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, je suis devenu comme un homme qui n'a plus de vigueur. Placé parmi les morts, comme les blessés à mort couchés au sépulcre, desquels il ne te souvient plus, et qui sont retranchés par ta main. Tu m'as mis en une fosse des plus basses, dans des lieux ténébreux, dans des lieux profonds. Ta fureur s'est jetée sur moi, et tu m'as accablé de tous tes flots, c'est là. Tu as éloigné de moi ceux de qui j'étais connu, tu m'as mis en une extrême abomination devant eux, je suis enfermé tellement, que je ne puis sortir. Mon œil languit d'affliction, éternel, je crie à toi tout le jour, j'étends mes mains vers toi. Feras-tu un miracle envers les morts, ou les trépassés se relèveront-ils pour te célébrer, c'est là. Racontera-t-on ta miséricorde dans le sépulcre, et ta fidélité dans le tombeau? Connaîtra-t-on tes merveilles dans les ténèbres, et ta justice au pays d'oubli? Mais moi, ô Éternel, je crie à toi, ma prière te prévient dès le matin. Éternel, pourquoi rejettes-tu mon âme? Pourquoi caches-tu ta face de moi? Je suis affligé comme rentre dans l'esprit dès ma jeunesse, j'ai été exposé à tes terreurs, et je ne sais où j'en suis. Les ardeurs de ta colère sont passées sur moi, et tes frayeurs m'ont retranché. Ils m'ont tout le jour environné comme des eaux, ils m'ont entouré tous ensemble. Tu as éloigné de moi mon ami, même mon intime ami, et ceux de qui je suis connu me sont des ténèbres.